Quand Charles, bouleversé par la nouvelle de la saisie de ses biens, était rentré à la maison, Emma venait d'en sortir. Il cria, pleura, s'évanouit, mais elle ne revint pas. Où pouvait-elle être? Il envoya Félicité chez Homais, chez M. Tuvache, chez Lheureux, au Lion d'Or, partout. Et, dans les intermittents de son angoisse, il voyait sa considération anéantie, leur fortune perdue, l'avenir de leur fille Berthe brisé. Par quelle cause? Pas un mot. Il attendit jusqu'à 6 heures du soir. Enfin, n'y pouvant plus tenir, imaginant qu'elle était partie pour Rouen, il alla sur la grande route, fit une demi-lieue, ne rencontra personne, attendit encore et s'en revint. Elle était rentrée. Qu'y avait-il? Pourquoi? Explique-moi. Elle s'assit à son secrétaire, écrivit une lettre qu'elle cacheta lentement, ajoutant la date du jour et l'heure. Puis elle dit d'un ton solennel, « Tu la liras demain. D'ici là, je t'en prie, ne m'adresse pas une seule question. Non, pas une, mais... Oh, laisse-moi. » Elle se coucha tout du long sur son lit. Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et referma les yeux. Elle s'épiait curieusement pour discerner si elle ne souffrait pas. Mais non, rien encore. Elle entendait le battement de la pendule, le bruit du feu, et Charles, debout près de sa couche, qui respirait. « Ah, c'est bien peu de chose, la mort, » pensait-elle. « Je vais m'endormir, et tout sera fini. » Elle but une gorgée d'eau et se tourna vers la muraille. Cet affreux goût d'encre continuait. « J'ai soif, oh, j'ai bien soif, » soupira-t-elle. « Qu'as-tu donc ?» dit Charles, qui lui tendait un verre. « Ce n'est rien. Ouvre la fenêtre. J'étouffe. » Elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller.